Chapitre 2. Il y avait alors, dans la foule des habitués qui hantaient les coulisses, un gros homme trapu et robuste comme un alcide forain nommé Étienne Vaucresson. C'était un dandy marron, un lion de contrebande et de hasard, un de ces champignons parasites qui germent çà et là dans les efflorescences de la vie parisienne. Il avait le front chauve, la barbe rougeâtre et crépue, le teint vermillonné et luisant. Le regard de ses petits yeux verts était double, lumineux, magnétique, perfide et cruel, comme celui des pachas turcs qui ont un tigre pour divan et qui sourient doucereusement aux giaours que le pâle attend à la porte de leur palais. Il avait appliqué à la vie privée la maxime politique de Danton, et on pouvait dire qu'il vivait de bonheur et d'audace. Joueur d'une science et d'une habileté transcendantes, il eut tenu tête au whist à M. le prince de Talleyrand, et il inquiétait Méry aux échecs. Ce pilier des coulisses de l'opéra était aussi le feuilleton ambulant du sport. Excellent écuyer, Lovelace du couloir et des écuries du cirque olympique, connaisseur madré en fait de maquignonnage, il eut rendu des points aux directeurs de haras, aux entraîneurs et aux palefreniers les plus fins, dont les ruses compliquées lui étaient connues. Ces derniers gaillards redoutaient même l'argumentation de ces points, car Étienne Vaucresson pratiquait la boxe, ce pugilat moderne, avec toute la grâce, la vigueur et le style d'un pair d'Angleterre. Il n'avait pu obtenir d'être admis parmi les membres du Jockey Club, mais la plupart avaient soin de l'élire leur conseiller hippique chaque fois qu'il voulait acheter un cheval de main ou parier aux courses. Il avait gagné un premier prix à Chantilly en montant lui-même, comme un jockey, un admirable cheval Neji qui avait distancé les coureurs de Messieurs Rothschild et de Pontalba. Il avait d'ailleurs toutes les vertus de son état, car il buvait comme un reître enrôlé en Pologne et fumait comme un Espagnol qui aurait été vice-roi de la Havane. Lorsque Grisier, ce fleuret fait homme, était malade ou s'engageait pour la saison d'été de Londres, il se faisait remplacer à la salle d'armes par Étienne Vaucresson. Tu comprends pour quelle raison ce goujat vaniteux était toléré dans la compagnie des gentilshommes riders. À l'opéra, il entrait dans la loge des lions au lever du rideau. Quand la loge était vide, il se servait de la jumelle des abonnés pour lorgner insolemment les femmes de province et les commis de nouveautés venus à l'ouverture du bureau. Les honnêtes bourgeois se faisaient désigner la loge infernale et se demandaient quel était ce jeune seigneur. Alors Vaucresson était ravi. Il affectait de dîner au café de Paris. Son repas se composait invariablement d'une carafe d'eau, d'un beefsteak et d'un cure-dent. Mais les sportsmen, ses amis, touché d'une sorte de compassion ironique et méprisante pour cette forfanterie, le conviait quelquefois à leur table, sous prétexte de le prendre pour arbitre dans la dégustation des vins. Il s'accommodait complaisamment de ce rôle honteux. On s'amusait de ses saillies grossières, et à coup sûr, nul n'eût songé à envier ce bouffon vulgaire et trivial. Cependant, Lucien, bien des fiers et beaux jeunes gens eussent donné leur fortune, leur nom et leur sang pour le bonheur qui attendait cet homme. Moi, je donnerais pour un an de sa vie la mienne tout entière. » Un soir, le maquignon soupait au café de Paris, le camélia à la boutonnière, avec 5 ou 6 gentilshommes du boulevard italien. Au milieu du choc des verres et de la fumée des cigares, la conversation, après avoir roulé sur les courses, tomba sur les femmes en général et sur la vertu ridicule de Flora en particulier. On déraisonna beaucoup, et Vaucresson plus que tous les autres. À la fin, le croiras-tu, échauffé par le vin, par les railleries, par une sotte et féroce présomption, cet étrange Lovelace jura qu'il viendrait bien à bout de dompter s'il voulait s'en donner la peine, cette vertu si vantée. Chacun se mit à rire et à goguenarder notre homme, en buvant à son succès et en lui donnant quelques conseils à l'endroit de son projet. L'un l'engagea à mettre le feu au logis de la cantatrice pour avoir le prétexte de la sauver et de l'emporter dans ses bras, comme fit le comte de Villamediana, amoureux de la reine d'Espagne. Un autre lui proposait de se faire écraser sous les roues de la voiture de Flora ou de se trouver mal d'admiration à l'opéra lorsqu'elle chanterait, comme le meilleur moyen d'attirer son attention. Vaucresson souriait toujours d'un air de bravade et il finit par parier qu'il serait son amant. Les jeunes fous tinrent le pari en riant. Ils lui conseillèrent seulement de cacher sous une perruque son front dégarni et de renouveler le moins rarement ses gants et ses camélias. À dater de ce jour-là, Vaucresson commença à poursuivre la belle Flora de billets doux, de bouquets, d'applaudissements, de déclarations, sans parvenir même à obtenir d'elle un sourire de dédain. Au bout de 10 jours de ce manège, une figurante le surnomma « le fou de Flora », et l'épithète fit fortune dans les coulisses. Dès lors, il affecta de tomber dans la rêverie et la langueur. Il prit des airs consternés, qui réjouissaient fort ses anciens amis, et ne porta plus que des camélias fanés et des toilettes négligées, comme un homme qui n'a plus souci de sa personne. Sur ces entrefaites, la Flora se rendit à Bordeaux, au Grand Théâtre, auquel elle était engagée pour donner quelques représentations. Le lendemain de son départ, l'imprésario rencontra Vaucresson dans les coulisses, la mine encore plus lugubre que d'ordinaire, et lui demanda d'un air de profond étonnement « Que diantre, mon cher, faites-vous donc ici ?»« Je rêve à la belle Flora, » repartit le don Juan. « Votre place n'est pas ici, mon cher. Si vous n'étiez pas un amoureux transi, vous devriez courir la poste sur la route de Bordeaux. » « Mais le moyen de courir la poste quand les toiles se touchent ?» répondit Vaucresson d'un air piteux, en frappant avec son mauvais ton ordinaire sur les poches vides de son gilet. « Mon gros, » dit froidement l'impresario, « on n'a jamais qu'une occasion de toucher son but, et il faut la prendre aux cheveux. Voici 15 louis. Allez à Bordeaux. Si vous n'y gagnez pas votre pari, c'est que la Flora n'est qu'une statue de marbre et vous un niais. » Vaucresson prit les 15 louis et alla commander des chevaux de poste. Arrivé à Bordeaux, il trouva un cabinet dans l'hôtel où était descendue Flora. Il gagna un garçon de l'hôtel qui venait de s'engager et partait le lendemain, et il put se cacher derrière les rideaux de la chambre de la cantatrice. Là, il attendit, le cœur un peu ému, je pense, comme à une course du Champ de Mars. Cependant, Flora rentra du théâtre, enivrée, bouleversée par les témoignages enthousiastes d'une admiration moins contenue qu'à Paris. On l'avait rappelé 15 fois. On l'avait ensevelie sous les couronnes. L'élite des jeunes gens de la ville avait dételé sa voiture et l'avait accompagnée aux torches et aux flambeaux comme une reine. L'orchestre entier du théâtre était venu sous ses fenêtres lui donner une sérénade. Flora, jusqu'alors, avait posé devant le public. Elle avait souri avec calme, mais une fois chez elle, les larmes la suffoquèrent. Elle avait le vertige, l'éblouissement nerveux du succès. Quand le silence se fit et qu'elle se trouva seule, le cœur gonflé et plein de sanglots, la fièvre dans les artères, elle ouvrit la fenêtre et se mit à admirer le ciel bleu étoilé. Une vague inquiétude, un pressentiment étrange la poursuivait, tandis que la brise rafraîchissait son front brûlant. Elle sentait comme un besoin infini de répandre au dehors le bonheur presque douloureux qui oppressait son âme. Tapis sous les rideaux comme le tigre dans les jungles, le Parisien voyait cette noble fille lutter contre cette souffrance mystérieuse et bizarre. Bientôt Flora, lassée, renvoya sa femme de chambre et resta seule, affaissée dans un fauteuil, ses pieds nus jouant dans ses babouches algériennes et les yeux fixés sur les salamandres qui serpentaient en pétillant dans le foyer. Son bras nu, magnifique, cerclé de bracelets d'or, soutenait son front. Quelques mots entrecoupés lui échappèrent, qui révélèrent à Vaucresson la profondeur du vide de cette âme. « Quelle vie fausse et misérable que la mienne !» disait-elle. « Des étincelles et de la cendre, voilà tout. De tous ceux qui rêveront cette nuit de la cantatrice Flora, pas un seul ne pensera à la femme, à la pauvre Annonciade. Nous autres, filles de théâtre, nous sommes toujours destinées à être regardées comme des circassiennes et achetées au poids de l'or. » Disant cela, elle froissait dans ses mains et brûlait des lettres et des billets jetés dans une corbeille sur la table. Elle ajouta avec un rire amer. « Aussi, pourquoi s'identifier si follement à tous ces beaux sentiments étalés sur la scène? Pourquoi prendre la vie pour un livret d'opéra ?» Ces quelques mots témoignaient d'une prostration extrême. Le néant de la gloire accablait ce cœur énergique et passionné qui avait besoin d'amour. C'était une occasion suprême, une heure d'or pour l'audacieux caché derrière les rideaux. Flora n'était pas défendue par ce rempart de la famille qui la gardait à Paris. Vaucresson avança à pas sourds et vint se jeter à ses pieds. Dire la surprise et l'indignation de la cantatrice serait impossible. Éveillée de sa torpeur, tremblante, épouvantée, elle se leva brusquement et lui dit avec un geste impérieux « Sortez !» Mais Vaucresson, inspiré par la grandeur de la circonstance, déploya alors un talent de comédien que Frédéric lui enviait. « Non, madame, je ne sortirai pas, » répondit-il, en attachant sur elle un regard plein de douleur et de reproche. « Je sais que je ne suis pas digne de votre pitié. Appelez du monde et perdez-moi. il me sera doux de souffrir par vous. Mais avant qu'on ait pu parvenir jusqu'à nous, ajouta-t-il en s'avançant vers la porte, en fermant les verrous et en s'y adossant, j'aurais pu ouvrir librement mon cœur devant vous. Je sais que je ne suis qu'un pauvre diable, sans armoirie, sans argent, sans beauté, mais tel que je suis, je vous aime. Vous qui êtes belle, vous qui avez la noblesse du talent, vous qui avez une mine d'or dans le gosier, eh bien, vous serez du moins forcé de m'entendre ce soir, car vous n'êtes plus dans les coulisses de l'opéra, où ma voix ne pouvait franchir ce cercle de grands seigneurs qui mettaient leur amour banal à vos pieds. Flora le regardait avec stupeur et restait muette, croyant faire un songe. On croit se moquer de moi, reprit Beaucresson, en m'appelant le fou de Flora. Je me fais gloire de ce surnom railleur, qui est comme un lien secret entre votre destinée et la mienne. Oui, je suis votre pauvre fou, bafoué, ridicule, importun. Mais je suis heureux de ma folie, car je vous aime, car pour vous j'ai tout oublié et tout quitté. J'avais besoin de vous suivre et de vous entendre. Je meurs loin de vous, et pour faire le voyage, j'ai vendu mon chien de Terre-Neuve. Cependant, j'avais juré de ne jamais m'en séparer, car un jour que mon canot avait chaviré à 3 lieues en mer, au Tréport, la pauvre bête m'a rattrapé par la peau du cou et m'a ramené sur le sable. Ah, c'est que pour pouvoir vous presser une seconde dans mes bras, j'affronterai le bagne, voyez-vous. Je ne m'en irai donc pas. Oui, on a dit vrai, je vous aime comme un fou. Vous êtes libre d'appeler au secours, mais vous ne m'empêcherez pas de toucher vos cheveux de mes lèvres, et à l'instant où la porte s'ouvrira, je me jetterai par la fenêtre et sur le pavé de la cour. » Cependant, Flora l'écoutait éperdue. Jamais la fière cantatrice, entourée d'adulation, enivrée d'encens, n'avait entendu parler d'amour de cette façon violente et brutale. Énigme inexplicable. Son cœur se gonflait à ces accents farouches, comme la poitrine semble s'élargir à l'air âpre des montagnes. Elle, dont les déclarations galantes des beaux et riches seigneurs de la société parisienne avaient toujours blessé l'orgueil, car elle traduisait les mots « je vous aime » par « je vous achète », elle se sentait maintenant émue et troublée. C'est que l'amour de Beaucresson ne l'humiliait pas. Elle avait tout à donner et rien à recevoir. Ce pauvre diable lui octroyait, pour ainsi dire, droit de vie et de mort. Il quitta la porte et alla droit à la fenêtre qu'il rouvrit. Je ne pourrais dire ce qui se passa en cet instant dans le cœur de Flora, mais un rayon de joie illumina son pur et noble visage, et elle répéta 3 fois, en regardant le Parisien immobile et silencieux, « Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Pourquoi mentirait-il? C'est le seul qui ait pensé à me suivre, lui qui est pauvre, et qui a dû vendre son chien pour arriver jusqu'à chez moi. Et je le chasserai. Oh, cette fois du moins je crois que je suis aimé. » Eh bien, qu'ordonnez-vous, Flora ? Demanda Beaucresson. L'air qui vient du dehors est bien froid, mon ami, répondit-elle en souriant. Fermez cette fenêtre. Voilà comment cette belle et triomphante créature devint la proie d'un viveur de bas étage, d'un pilier de coulisses, sans cœur et sans autre esprit que cette rouerie grossière du parasite qui doit glaner chaque jour son dîner sur la dîme des vices et des ridicules parisiens. La chute de la Flora fit grand bruit, comme tu le penses. Elle autorisa 1000 nouvelles prétentions, et ce ne fut pas sans une grande surprise que l'on vit la belle cantatrice rester fidèle à son trivial amant et repousser pour lui les offres les plus magnifiques. Elle vivait comme une simple et chaste bourgeoise, heureuse de faire parfois une partie de cheval dans la forêt de Montmorency ou de Saint-Germain, car pour lui plaire, elle avait appris à monter à cheval et causait turf et sport comme un membre du jockey club. Elle s'assimilait tous les éléments de la vie de son amant. Elle était fière de lui, et à cause d'elle, cet homme était presque respecté. Quant à lui, il trouvait le choix de sa maîtresse tout naturel, et loin de se croire obligé envers elle à quelque reconnaissance, à quelques égards, il la traitait avec une familiarité insultante et grossière. Il faisait étalage de sa bonne fortune avec l'insolence d'un parvenu, et tous les amis de la grande cantatrice souffraient de voir cette femme si fière et si noble faire dépendre la joie ou la tristesse de sa journée du sourire ou de la mauvaise humeur de ce manant coureur d'écurie.